l'a réduit à improviser. Non pas bien sûr que je n'ai pas travaillé depuis la dernière fois abondamment, mais comme je ne m'attendais pas forcément à parler, puisque en principe c'est la grève. Me voilà donc réduit à faire ce que quand même j'ai un peu préparé, même beaucoup. Je vais aujourd'hui, j'espérais que vous seriez moins nombreux, comme d'habitude. Je vais aujourd'hui vous montrer quelque chose. C'est pas forcément ce que vous attendez. Ça n'est pas sans rapport. Mais j'ai emporté, avant de partir, une chose à laquelle je désirais beaucoup penser, parce que je l'avais promis à la personne qui n'est pas sans y être un peu intéressée. C'est ceci. Je voudrais vous faire connaître, vous rappeler pour savent déjà que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Cixous. Ça s'écrit avec un C. Ça se termine par un S. Ça se prononce Cixous à l'occasion. Alors, la dite Hélène Cixous avait fait déjà, paraît-il, je l'avais, quant à moi, laissé un peu vague dans mon souvenir, a fait déjà, paraît-il, dans le numéro épuisé de littérature, où on me l'a rappelé, je l'aurais totalement, j'avais fait littérataire dans ce numéro épuisé. On n'aura pas de facile de le retrouver, sauf pour ceux qui l'ont déjà. Elle avait fait une petite note sur Dora. Alors depuis, elle en a fait une pièce. Le portrait de Dora, c'est le titre, une pièce qui se joue au Petit Orsay, c'est-à-dire à une annexe du Grand Orsay, chacun peut l'imaginer facilement, le Grand Orsay étant occupé par Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud. Alors, ce portrait de Dora, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai dit ce que j'en pensais à celle que j'appelle Hélène, depuis le temps que je la connais. J'ai dit que j'en parlerais. Portrait de Dora, il s'agit de la Dora de Freud. Et c'est bien en quoi, enfin, je soupçonne que ça peut intéresser quelques personnes d'aller voir comment c'est réalisé. C'est réalisé d'une façon réelle. Je veux dire que la réalité s'esquille. La réalité des répétitions, par exemple, s'esquille. Au bout du compte, à dominer les acteurs. Je ne sais pas comment vous apprécierez. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a là quelque chose de tout à fait frappant. Il s'agit de l'hystérie, d'aura précisément. Et il se trouve que ce n'est pas la meilleure hystérique de la distribution. Celle qui est la meilleure hystérique joue un autre rôle. Mais elle ne montre pas du tout ses vertus d'hystérique. Dora, elle-même, enfin celle qui joue son rôle, ne le montre pas mal. Au moins, c'est mon sentiment. Il y a aussi quelqu'un là-dedans qui joue le rôle de Freud. Il est bien entendu très embêté. Il est très embêté et ça se voit. Enfin, il y va précautionneusement et c'est d'autant moins heureux, du moins pour lui, qu'il n'est pas un acteur. Il s'est dévoué pour ça. Alors, il a tout le temps peur de charger Freud. Enfin, ça se voit dans son débit. Enfin, le mieux que j'ai à vous dire, c'est d'aller le voir. Ce que vous verrez est quelque chose qui quand même est marqué de cette précaution du Freud acteur. Alors, il en résulte dans l'ensemble quelque chose qui... On a là l'hystérie, je pense que ça vous frappera, mais après tout, peut-être apprécierez-vous autrement. On a là l'hystérie que je pourrais dire incomplète. Je veux dire que l'hystérie, c'est toujours... Enfin, depuis Freud, c'est toujours deux. Et là, on la voit en quelque sorte réduite, cette hystérie, à un état que je pourrais appeler, et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, ça ne va pas aller mal avec ce que je vais vous expliquer, à l'état en quelque sorte matériel. Il y manque cet élément qui s'est rajouté depuis quelque temps et depuis avant Freud, enfin, à savoir comment elle doit être comprise. Ça fait quelque chose de très frappant et de très instructif. C'est une sorte d'hystérie rigide. Vous allez voir ce que je vais vous montrer, ce que veut dire en l'occasion le mot rigidité. Parce que je m'en vais vous parler des chaînes qui est ce que je me trouve avoir avancé devant votre attention. La chaîne, pour l'appeler comme ça, la chaîne borroméenne. Donc ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle nœud. ça tout de suite. Mais là, ce que vous verrez, c'est une sorte de d'implantation de la rigidité devant ce quelque chose qui, n'est pas exclu que le mot chaîne vous le représentifie, si on peut dire. Parce qu'une chaîne, c'est rigide quand même. L'ennui, c'est que la chaîne dont il s'agit, ça ne peut se concevoir que très souple. Il est même important de le considérer comme tout à fait souple. Ça aussi, je vais vous le montrer. Enfin, je ne vous en dirai pas plus long, donc, sur le portrait de Dora. J'espère quoi? En avoir quelques échos de personnes qui, par exemple, viennent me voir, ça arrive. Bon, alors, là-dessus, parlons de ce dont il s'agit. De la chaîne que j'ai été amené à articuler, voire à décrire, en y conjoignant, comme j'y ai été amené, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Ce qui est important, c'est le réel. Après avoir longtemps parlé du symbolique et de l'imaginaire, j'ai été amené à me demander ce que pouvait être dans cette conjonction le réel. Et le réel, il est bien entendu que ça ne peut pas être un seul de ces rondes ficelles. C'est la façon de les présenter dans leur nœud de chaîne qui, à elle, tout entière, fait le réel du nœud. Alors, pardon, vous devez quand même déjà avoir un peu pigé ce que dont j'ai essayé de supporter la chaîne borroméenne. Voilà en somme que ça donne. Quelque chose qui serait à peu près comme ça. Je n'étais pas porté à le compléter. Mais il est évident qu'il faut le compléter pour faire sentir dont il s'agit. Voilà la chaîne typique. Il est certain que le fait que je dessine ainsi, vous avez vu déjà comment ceci peut se transformer pour un rien en quelque chose qui a l'air de bien, de mieux mériter chaîne, c'est-à-dire de faire entre le bleu, par exemple, et le rouge, quelque chose, là on ne sait plus comment dire, qui fait chaîne ou qui fait nœud. Parce que c'est quand même ça qui semble le plus. Qui ressemble plus à ce qu'on est d'habitude, ce qu'on considère d'habitude comme une chaîne. Ce qu'il y a avantage, finalement, à le représenter comme cela, à savoir, à représenter les trois ronds d'une façon qu'il faut appeler projective, c'est aussi bien ce qui faut qu'il n'en restera pas moins que de ce qui sera ainsi présenté, ça sera. Attention, ici, vous voyez bien que nous sommes forcés de mettre les trois ronds d'une façon qui respecte la disposition de ce que j'ai dessiné d'abord. Comme on le voit, l'avantage qui résulte de la façon présentée ainsi, c'est que ça simule la sphère. Comme je l'ai fait remarquer à Dali, avec qui je me suis entretenu de ça. C'est plus quand la différence qu'il y a entre cette chaîne borroméenne et ce qu'on dessine toujours dans une sphère armillaire, quand on essaie de la circulariser à trois niveaux, respectivement qu'on peut appeler transversal, sagittal, horizontal, on n'a jamais vu représenter une sphère armillaire de la façon dont se présente ce nœud. Ce nœud borroméen. Alors, cette fausse sphère que j'ai dessinée là, tout à fait sur la droite, il y a une façon de la manipuler. De la manipuler en tant que prise au niveau de ce qui en constitue un huitième. Ça consiste là, ceci, parce que cette sphère est supportée de cercles, il y a une façon de la retourner. De la retourner sur elle-même. Une sphère comme telle, c'est difficile de ne pas concevoir que c'est lié l'idée tout. Il est un fait, c'est que le fait qu'on représente une sphère très volontiers par un cercle lie l'idée tout qui ne se supporte que de la sphère, lie l'idée tout au cercle. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que l'idée de tout implique la fermeture. Si on peut retourner ce tout, l'intérieur devient l'extérieur. Et c'est ce qui se produit à partir du moment où nous avons supporté de cercle la chaîne borroméenne, c'est que la chaîne borroméenne peut se retourner. Elle peut se retourner du fait que le cercle, c'est pas du tout ce qu'on croit, ce qui symbolise l'idée de tout, mais que dans un cercle, il y a un trou. C'est dans la mesure où les êtres sont inertes, c'est-à-dire supportés par un corps, qu'on peut, comme on l'a fait, l'initiative de Popilius, dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas de là parce que j'ai fait un rond autour de toi. Tu ne sortiras pas de là avant de m'avoir promis telle chose. Nous retrouvons là, en somme, ceci. Pourquoi j'ai avancé que concernant ce que j'ai appelé du nom de la femme, elle n'est pas toute, ceci veut dire que les femmes ne constituent qu'un ensemble. En effet, avec le temps, on est arrivé à dissocier l'idée de tout et l'idée d'ensemble. Je veux dire que on est arrivé à la pensée ceci, qu'un certain nombre d'objets peuvent être supportés de petites lettres, et alors il est tout se dissocie, à savoir que le cercle censé dans une représentation tout à fait agile, les rassembler, le cercle est extérieur aux objets, spécifier que la femme n'est pas toute implique une dissymétrie. Une dissymétrie entre un objet et Zeus, s'il y a couple, étant réunis, être contenus dans un cercle qui, de ce fait, se trouve distinct. Les habitudes, selon la forme suivante, ce sont des parenthèses qu'on formule. Et qu'on ainsi il y a un élément d'une part et d'autre part un ensemble à un seul élément. Comme vous voyez, j'ai fait un bafouillage. Alors, il faut que j'avoue ceci. C'est que, après avoir assenti ce que Souris et Tomé m'avaient articulé, c'est à savoir qu'une chaîne borroméenne à trois se montre supportée. Deux objets différents, à condition que les trois ronds qui constituent la dite chaîne soient colorié et orienté, les deux étant exigibles. Ce qui distingue les deux objets en question, dans un second temps, c'est-à-dire après avoir assenti à ce qu'il disait, mais en quelque sorte superficiellement, je me suis trouvé dans la position, désagréable de m'être imaginé de seulement les colorier suffisait à distinguer deux objets. Ceci parce que j'avais consenti tout à fait superficiellement à ce dont il m'avait apporté l'affirmation. En effet, ça a l'air de se sentir que si nous colorons en rouge un de ces trois, ça n'est quand même pas le même objet si nous colorons celui-ci en vert et celui-ci en bleu, ou si nous faisons l'inverse. C'est pourtant le même objet si nous tournons la sphère. Nous obtiendrons très aisément une disposition contraire. C'est à savoir que pour partir de ce qui est là, pour leur présenter ainsi, soit plus, tourne de la façon suivante. Il est en effet, si nous ne considérons pas ceci comme rigide, comme tout à fait plausible, de faire du rond rouge la présentation suivante. Si ici, comme il est également plus que plausible, nous faisons glisser l'anneau façon à l'amener là où il est tout à fait évident de l'air, nous obtenons la transformation suivante. Et à partir de la transformation suivante, il est tout ce qu'il y a plausible de faire glisser ce rond d'une façon telle que ce qu'il s'agissait d'obtenir, à savoir que le rond vert soit interne, au lieu que ce soit le rond bleu, soit interne au rond rouge, au contraire, le rond bleu soit externe, ceci peut être obtenu. Les choses, je peux, dire ne sont pas si aisés à démontrer la preuve, c'est que ce qui est immédiat a simplement pensé que les trois ronds peuvent être retourner les uns par rapport aux autres, ce qui est immédiat et est obtenu par la manipulation, ne n'est pas obtenu si aisément que ça. La preuve, c'est que j'ai dit souris et Tomé, enfin, qui me représentait à très juste titre cette manipulation, ne l'ont fait qu'en s'embrouillant un peu. J'ai essayé de vous représenter là comment cette transformation effectivement peut être dite s'opérer. Bon. Qu'est-ce qui en somme, nous arrête dans l'immédiateté qui est une autre sorte d'évidence, si je puis dire. Cette évidence que, concernant le réel, je fais avec un joke que je supporte de l'évidement. Ce qui résiste à cette évidence, évidemment, c'est l'apparence nodale que produit ce que j'appellerais le chêne, en équivoquant sur chêne et sur nœud. Cette apparence nodale, cette forme de nœud, si je puis dire, est ce qui fait du réel l'assurance. Et je dirais à cette occasion que c'est donc une fallacie, puisque j'ai parlé d'apparence, c'est une fallacie qui témoigne de ce qui est le réel. Il y a différence de la pseudo-évidence, puisque dans ma connerie, j'ai tenu d'abord pour évidence qu'il ne pouvait y avoir deux objets à seulement colorier les cercles. Qu'est-ce que veut dire qu'en somme, cette série d'artifices, je voulais démontrer. C'est là que se montre la différence entre le montrer et le démontrer. Il y a, en quelque sorte, une idée de déchéance dans le démontrer par rapport au montrer. Il y a un choix du montrer. Tout le blabla à partir de l'évidence ne fait que réaliser l'évitement, à condition de le faire significativement. Le moré géométrico qui a été pendant longtemps le support idéal de la démonstration repose sur la fallacie d'une évidence formelle. Et ceci est tout à fait de nature à nous rappeler que géométriquement, une ligne n'est que le recoupement de deux surfaces. Deux surfaces qui sont elles-mêmes taillées dans un solide. Mais c'est un autre support que nous fournit l'anneau, le cercle, quel qu'il soit, à condition qu'il soit souple. C'est une autre géométrie qui est à fonder sur la chaîne. Et il est certain que je reste excessivement frappé de mon erreur que j'ai à juste titre appelée connerie. J'en ai été affecté à un point qu'on peut difficilement imaginer. C'est bien parce que je veux requinquer que je vais maintenant opposer à ce que je crois être tel l'ont exprimé l'opinion de Souris et Tomé, qui m'ont fait la remarque qu'il ne s'agit pas seulement que les trois cercles soient les uns colorés, les autres autre s'orienter, un autre orienter. Ici, je formule et je crois pouvoir le démontrer au sens où démontrer est encore proche du montrer. Ce dont il s'agit. Souris et Tomé ont procédé par une exhaustion combinatoire de trois coloriages et de trois orientations colloquées sur chacun des cercles, ils ont cru devoir procéder à cette exhaustion pour démontrer qu'il y a deux chaînes borroméennes différentes. Je crois pouvoir ici m'opposer en ceci que la façon dont je représente cette chaîne. Vous n'avez pas un autre oui, je veux le prendre. Dont un point est à l'infini. ce qui est exigible de deux droites infinies, c'est qu'elles soient concentriques. Je veux dire qu'entre elles, elles ne fassent pas chaîne. Ce qui est le point que depuis longtemps avait mis en valeur de Sargue, mais sans préciser ce dernier point, c'est à savoir que les droites dont il s'agit, droites dites infinies, doivent ne pas s'enchaîner, puisque rien n'est précisé dans ce qu'a formulé de Sargue, et que j'ai évoqué en son temps à mon séminaire, rien n'est précisé sur ce qu'il en est de ce point dit à l'infini. Nous voyons alors le fait suivant. Vous avez le rouge, oui. Orientons le rond dont nous disons qu'il n'a pas besoin d'être dit d'une couleur. C'est évidemment déjà l'isoler. Et à titre de ceci qu'il n'est pas dit d'être d'une couleur, c'est en faire déjà quelque chose de différent. Néanmoins, il n'est pas indifférent de dire que les trois doivent être orientés. Si vous procédez à partir de cette orientation qui, de là où nous la voyons, est d'extrogie. Il ne faut pas croire qu'une orientation, ce soit quelque chose qui se maintienne en tout cas. La preuve est facile à donner, c'est à savoir, car retourner et retourner impliquera l'inversion des droites infinies. À retourner le rond rouge aura vu à partir du retournement, une orientation exactement inverse. J'ai dit que un seul suffit à être orienté. Ceci est d'autant plus concevable qu'à faire les droites infinies, à partir de quoi donnerions-nous orientation aux dites droites? Le second objet est tout à fait possible à mettre en évidence. À partir de ceci, qui était au principe de mon illusion sur le coloriage, à partir de ceci, là, d'apprendre le premier, en inversant les couleurs. obtient un objet incontestablement différent, à condition de laisser l'orientation de celui qui est orienté de la laisser la même. Pourquoi, en effet, changerais-je l'orientation? L'orientation n'a pas de raison d'être changée si j'ai changé le couple des couleurs. Comment reconnaîtrais-je la non-identité de l'objet total, si je change l'orientation? Peut-être, si vous le retournez, vous apercevrez que cet objet est bel et bien différent, car ce qu'il s'agit de comparer, c'est l'objet constitué par ceci, à savoir, en le faisant tourner par ici, le comparer avec cet objet qui est là, et en somme, nous apercevoir que ici c'est l'orientation maintenue de cet objet, l'orientation maintenue qui s'oppose, différencie ce triple de ce en quoi il peut être dit avoir la même présentation. Ceci nous permet de distinguer la différence de ce que j'ai appelé tout à l'heure le réel comme marque. De ce qu'il en est du vrai. Mais vrai que ce qui a un sens. Quelle est la relation du réel au vrai? Le vrai sur le réel, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que le réel du couple ici, n'a aucun sens. Ceci joue sur l'équivoque du mot sens. Quel est le rapport du sens à ce qui ici s'écrit comme orientation? On peut poser la question. Et on peut suggérer une réponse, c'est à savoir que c'est le temps. L'important est ceci, c'est que nous faisons jouer dans l'occasion un couple dit colorié, et que ceci n'a n'a aucun sens. L'apparence de la couleur est-elle de la vision, au sens où je l'ai distinguée, ou du regard? Est-ce le regard ou la vision qui distingue la couleur? C'est une question que pour aujourd'hui, je laisserai en suspens. La notion de couple colorié, est là pour suggérer que dans le sexe, il n'y a rien de plus que, je dirais, l'être de la couleur. Ce qui suggère en soi qu'il peut y avoir homme couleur de femme, dirais-je, ou femme couleur d'homme. Les sexes en location, si nous supportons du rond rouge, ce qu'il en est du symbolique, les sexes en location sont opposés, eux, comme l'imaginaire et le réel, comme l'idée et l'impossible, pour reprendre mes termes. Mais est-il bien sûr que toujours ce soit le réel qui soit en cause? J'ai avancé que dans le cas de Joyce, c'est l'idée et le symptôme, plutôt, comme je l'appelle. D'où l'éclairage qui en résulte de ce qu'est une femme. Pas toutes ici. De n'être pas saisies. De rester à Joyce nommément étrangère. De n'avoir pas de sens. Une femme, au reste, a-t-elle jamais un sens pour l'homme? L'homme est porteur de l'idée de signifiant. Et l'idée de signifiant se supporte dans la langue de la syntaxe, essentiellement. Il n'en reste pas moins que si quelque chose dans l'histoire peut être supposé, c'est que c'est l'ensemble des femmes qui, devant une langue décompose, le latin dans l'occasion, puisque c'est de cela qu'il s'agissait à l'origine de nos langues, que c'est l'ensemble des femmes qui engendre ce que j'ai appelé la langue. C'est dire, interroger sur ce qu'il en est, la langue, sur ce qui a pu guider un sexe sur les deux. vers ce que j'appellerai cette prothèse de l'équivoque. Car ce qui caractérise la langue parmi toutes, ce sont les équivoques qui y sont possibles. C'est ce que j'ai illustré de l'équivoque de 2DEX avec 2D apostrophe X. Un ensemble de femmes a engendré dans chaque cas la langue. Là-dessus, je veux quand même vous indiquer quelque chose. C'est que nous avons parlé de bien des choses aujourd'hui, sauf de ce qui fait le propre de la chaîne borroméenne. La chaîne borroméenne n'aurait pas lieu n'y avait pas, si que je dessine, d'habitude je dessine mal, parce que c'est comme ça que ça doit être dessiné. Qui en est le propre? Qui est ce que j'appellerais le faux. Dans un cercle, ai-je souligné tout à l'heure, il y a un trou. Qu'on puisse, avec un cercle, en y adjoignant un autre, ce trou qui consiste dans ce qui passe là au milieu et qui n'est ni le trou de l'un ni le trou de l'autre, c'est ça que j'appelle le faux trou. Mais il y a ceci sur quoi repose toute l'essence de la chaîne borroméenne, c'est que droite infinie ou cercle, s'il y a quelque chose qui traverse ce que j'ai appelé à l'instant le faux trou, s'il y a quelque chose, je le répète, droite ou cercle, ce faux trou est, si l'on peut dire, vérifié. La fonction de ceci, la vérification du faux trou, le fait que cette vérification le transforme en réel, c'est là, je me permets à cette occasion de me rappeler que j'ai eu l'occasion de relire ma signification du phallus. J'ai eu la bonne surprise de trouver dès les premières lignes l'évocation du nœud. Ceci à une date où j'étais bien loin de m'être intéressé à ce qu'on appelle le nœud borroméen. Et première ligne de la signification du phallus indique le nœud comme étant ce qui est du ressort en location. C'est ce phallus qui a ce rôle de vérifier du faux trou qu'il est réel. C'est en tant que le symptôme fait un faux trou avec le symbolique qu'il y a une praxis quelconque. C'est-à-dire quelque chose qui relève du dire, de ce que j'appellerais aussi bien la location, l'ardire, voire pour glisser vers l'ardeur. Joyce, pour terminer, ne savait pas qu'il faisait le symptôme. Je veux dire qu'il le simulait. Il en était inconscient et c'est ce fait qu'il est un pur artificier, qu'il est un homme de savoir-faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi bien un artiste. Le seul réel qui vérifie quoi que ce soit, c'est le phallus. En tant que j'ai dit tout à l'heure, de quoi le phallus est le support, à savoir de ce que je souligne dans cet article, à savoir de la fonction du signifiant en tant qu'elle crée tout signifié. Encore faut-il, ajouterai-je, pour le reprendre la prochaine fois, encore faut-il qu'il n'y ait que